Chapitre 56e. Pendant que Clémence, à Hanbo, arrangeait avec l'abbé Guillemite l'entrée de Denise au couvent de Sainte-Rutilie, le marquis à Rudemont se préparait au voyage qu'il allait entreprendre. Où allait-il? Quand reviendrait-il? Ce n'était pas la première fois qu'il partait ainsi. Au temps de sa jeunesse, il s'était lancé dans plusieurs aventures de ce genre, et avant son départ, il n'avait pas songé à se demander où il irait avec sa maîtresse, ni quand il reviendrait. Mais alors il était jeune, et l'âge ne pesait pas d'un poids lourd sur ses résolutions. Il regardait devant lui, non derrière, et sur la route qu'il allait parcourir, il projetait le rayonnement de ses espérances. Ce temps n'était plus. Assurément, il aimait Clémence et d'un amour plus profond, plus absolu que celui qu'il avait pu ressentir pour celles avec lesquelles il avait entrepris ses voyages. Mais les ailes de la jeunesse qu'il enlevait alors étaient tombées. L'insouciance, la liberté, les illusions de la 20e année avaient été remplacées par la clairvoyance et l'expérience de la 50aine. Si son cœur était jeune encore, son esprit ne l'était plus. Terrible différence, dont, pour la première fois, il mesura toute l'étendue. Pendant plusieurs heures, il marcha en long et en large dans son cabinet, courbé sous le poids de ses pensées. Puis, revenant à son bureau, il chercha dans son tiroir une feuille de papier timbré et d'une main ferme, sans hésitation, il écrivit « Ceci est mon testament. Je, sous-signé, Arthur Hubert Mulsan, marquis de Rudemont, demeurant au château de Rudemont, institue pour mon légataire universel, mon cousin, M. Louis Méraud, substitut du procureur impérial à Condé-le-Châtel. En conséquence, je lui donne tout ce que je possède en biens mobiliers et immobiliers, à charge par lui, premièrement, de payer à ma pupille Denise Lajolet, au moment de la majorité de celle-ci ou le jour de son mariage, la somme de 1 000 000. Deuxièmement, de servir à mon cousin, M. Artem Fabu, une rente viagère de 12 000 francs payable par mois. Si, par le présent testament, je ne laisse rien à ma cousine, Mme Méraud, ce n'est pas que je l'oublie, mais elle est la mère de Louis, et ce serait faire injure au sentiment de celui-ci de fixer le chiffre de la rente qu'il voudra offrir à sa mère. De même, si je ne fixe pas non plus les sommes qui devront être données aux pauvres et aussi aux gens de ma maison, c'est que j'ai pleine confiance dans son esprit de justice et dans sa générosité. Je termine par l'expression d'un vœu. J'ai cru remarquer qu'un sentiment de tendresse assez vive existait entre Louis et Denise. Je suis heureux d'espérer que cette tendresse pourra amener un mariage entre eux, car je suis convaincu que sous tous les rapports, ils sont dignes l'un de l'autre. Fait au château de Rudemont, le 15 mai 1865, Arthur Mulsan, marquis de Rudemont. Ce testament écrit, il le relut posément, mettant des points et des virgules là où il en avait oublié. Puis il le cacheta sous une enveloppe sur laquelle il écrivit « À ouvrir après ma mort ». Et enfermant cette enveloppe dans une autre, il adressa le tout à maître Penel, son notaire à Condé-le-Châtel. Alors il se sentit plus libre. Quoi qu'il arrivât, le sort de son dont il avait charge était assuré. Denise aura la preuve qu'il ne l'avait pas oublié. Cette pensée lui donna le courage de monter près d'elle, car l'heure de quitter Rudemont approchait. Lorsqu'il entra dans la chambre où elle travaillait, il remarqua qu'elle faisait vivement disparaître un objet qu'elle tenait entre ses mains en le cachant sous un tapis. Et ce fut avec une sorte de confusion qu'elle vint au-devant de lui, comme si elle avait été surprise en faute. « Est-ce que j'arrive mal à propos ?» dit-il. « Oh, mon parrain, pouvez-vous penser cela ?»« Ce n'est pas une accusation que je porte contre vous, mon enfant. Je vous sais incapable de mal faire. Seulement, je constate qu'à mon arrivée, vous vous cachez de moi et que vous paraissez confuse. Faut-il que je regarde ce qu'il y a sous ce tapis ?» Elle s'élança vivement en avant, posant la main sur le tapis. « Oh non !» dit-elle. « Laissez-moi, je vous en prie, le lever moi-même. » « C'est aujourd'hui le 15, d'ailleurs, et le moment est venu. Ce soir ou maintenant, peu importe. Mieux vaut maintenant même, puisque nous sommes seuls. » Disant cela, elle leva le tapis et prit un porte-cigare qu'elle tendit au marquis. « C'est demain votre anniversaire, dit-elle, et je voulais vous offrir ce soir ce porte-cigare que j'ai brodé à votre intention. C'était une surprise que j'avais cachée à tout le monde, même à Madame Clémence. Est-ce que vous voudrez bien le porter, mon parrain ?» Il l'attira à lui et l'embrassant tendrement. « Vous êtes un bon cœur, ma chère Denise, » dit-il avec une émotion qu'il ne put pas contenir. « Quoi qu'il arrive, soyez assurée que j'ai pour vous une vive tendresse, une inaltérable amitié. » Elle le regardait avec étonnement, surprise autant de ses paroles, peu intelligibles pour elle, que de l'accent avec lequel elles avaient été prononcées. « Je n'ai point parlé à la légère, » dit-il. « Il va se passer un fait grave dans votre existence et dans la mienne, et c'est pour vous en entretenir que je suis monté ici. »« Mon Dieu, » dit-elle, « c'est donc pour cela que Madame Clémence a voulu m'embrasser en sortant. »« Voulez-vous vous habiller ?» dit-il. « Nous allons sortir ensemble. Nous causerons en voiture. »« Tout de suite, mon parrain. Le temps de mettre un mantelet et un chapeau. » Pendant qu'il nouait son chapeau, devant la glace, le marquis marchait à travers la chambre. Il s'arrêta devant la table de travail où était exposé un petit portrait sur émail d'Emma Lajolais. « Prenez donc ce portrait, » dit-il en le tendant à Denise, « et prenez aussi celui-ci. » Il lui présenta un médaillon. « C'est mon portrait que je vous offre, » continua-t-il. « Oh, combien je serais heureux si je n'avais pas peur. » Lorsqu'ils furent en voiture, il garda pendant longtemps le silence. Et ce fut seulement en apercevant la flèche de l'église de Hanbeau qu'il se décida à parler. « Si Madame Clémence a voulu vous embrasser, dit-il, c'est qu'elle part. Elle est obligée de se séparer de vous. Moi-même, je suis forcé de faire un voyage à l'étranger, qui peut-être durera longtemps. Dans ces conditions, il m'est impossible de vous laisser seul au château. J'ai donc résolu que vous passeriez le temps de cette absence au couvent de Sainte-Rutilie. Au couvent, mon enfant, je vous prie de garder votre calme. Je suis fort troublé de cette résolution qui s'impose à ma volonté, et votre émotion ou vos plaintes ajouteraient beaucoup à mon chagrin. Je ne veux pas me plaindre. » Elle n'en dit pas davantage, mais deux larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Le marquis se détourna pour ne pas les voir. De nouveau, un silence pénible s'établit entre eux. Denise avait une de ses mains posée sur la portière de la calèche, et aux contractions qui agitaient ses doigts crispés, le marquis voyait les efforts qu'elle faisait pour ne pas s'abandonner à son émotion. Lui-même était trop profondément ému pour trouver une parole. Ce fut elle qui, la première, rompit le silence. « Et je pourrais vous écrire ?» demanda-t-elle. « Assurément. Vous ne serez pas dans un couvent, mais dans une maison d'éducation où vous pourrez travailler avec profit. Les maîtres que vous trouverez à Sainte-Rutilie sont excellents. » Mais il était évident qu'elle n'écoutait pas et qu'elle suivait sa pensée. « Et vous voudrez bien m'écrire quelquefois ?» demanda-t-elle. « Souvent, ma chère enfant, je vous le promets, ma chère fille. » Ce mot qui lui avait échappé le troubla profondément. Sa fille, si réellement elle était sa fille. Heureusement pour son angoisse, la voiture longeait de hautes murailles en briques. « Nous voici arrivés, » dit-il en montrant une porte au-dessus de laquelle se dressait une croix en bois doré. « C'est le couvent. Je le connais. » Souvent nous avons passé devant ces vilains murs en plaignant celle qui était enfermée derrière. Je ne prévoyais pas alors. » Elle n'acheva pas. Le marquis, pour l'aider à descendre, lui prit la main, qui était tremblante et glacée. Son visage était livide, mais par un effort tout puissant de sa volonté, elle ne pleurait pas. On les reçut dans un parloir froid comme une cave, qui, pour tout mobilier, avait une douzaine de chaises en paille rangées contre les quatre murs. Presque aussitôt, la supérieure arriva, et pendant que le marquis lui expliquait en peu de mots le but de sa visite, elle ne quitta pas Denise de ses yeux noirs, qui, sous sa coiffe blanche, lançait des éclairs. « J'attendais cette chère enfant, dit-elle, car j'avais été prévenue de son arrivée par un mot de monsieur le doyen. » Il se fit un silence. Denise se tenait roide sur sa chaise, les yeux baissés, les épaules soulevées par sa respiration oppressée. « Vous aurez une élève docile, dit le marquis, de bon caractère et d'humeur douce. » Il se leva. Denise, comme s'il avait été poussée par un ressort, se leva aussi. Le marquis eût voulu abréger les adieux, mais il ne pouvait pas la quitter sans un mot de tendresse, sans une caresse. Il lui tendit la main. « Au revoir, mon enfant. À bientôt. Adieu, mon parrain. » Il fit quelques pas vers la porte en détournant la tête. Elle courut à lui, et lui prenant la main, elle l'inonda de ses larmes qui jaillirent irrésistiblement. La mère Saint-Alix, qui regardait cette scène d'un œil sec et les lèvres pincées, intervint alors en redressant Denise. « Une grande fille, » dit-elle, « oh, mon enfant !» La porte du parloir, tirée par son poids, retomba dans son cadre avec un bruit qui écrasa le cœur de Denise. C'était fini. Son parrain était parti. Elle était au couvent. En arrivant au Mans, le marquis trouva Clémence qui l'attendait. Presque aussitôt, ils montèrent dans le train de Rennes. Ils étaient seuls dans leur compartiment. Clémence avait trouvé le marquis sombre. Elle avait senti qu'il valait mieux ne pas chercher à le distraire. La première partie de la route se fit donc silencieusement. Ils étaient assis en face l'un de l'autre. Mais au bout d'un certain temps, elle tira sa montre et se mettant debout pour voir l'heure à la clarté de la lampe. « Il est 11 heures. En ce moment, le capitaine monte à ma fenêtre. Si monsieur de Carquebus, entendant du bruit, allait lui envoyer une balle comme à un voleur, voilà qui serait dramatique. » Comme le marquis ne répondait rien, elle vint s'asseoir auprès de lui et se blottissant contre sa poitrine. « Enfin, je suis donc à toi, mon gros lion. » Ainsi s'achève La fille de la comédienne par Hector Malot. À suivre, L'héritage d'Arthur.